Bonjour. Bon, dans pas long, ça va être la Saint-Jean. La Saint-Jean. Je viens de voir. J'ai vu, je l'ai pas écouté. J'ai vu David Lévesque qui a fait il a fait une vidéo, un audio. C'est quoi donc? L'intégration de la conscience supramentale ne libère pas de. L'intégration de la conscience supramentale ne libère pas de la programmation. Mais je m'excuse, c'est incroyable, hein, d'avoir des blancs comme ça. Mais j'ai pas eu le temps de l'écouter, puis la fin de semaine s'en vient, puis il y a plein de choses que je dois faire, puis ça dure 50 minutes quand même. Mais je me doute un peu de ce qu'il peut dire, puis je me dis, c'est-tu en réaction à ce que j'ai dit, le dernier audio que j'ai dit. Puis là, je me posais la question, c'est-tu le cas? J'ai l'impression que oui. Donc, il y a des affaires. Moi, la conscience supramentale. Supramentale, c'est juste ce qui est au-dessus du mental. C'est-à-dire tout le côté doctrinal. Parce qu'on le veuille ou pas, il y a eu un côté. Puis aussi, il y a beaucoup de gens dans le supramental, entre autres, sont encore en réaction contre. La spiritualité. Mais il y a une différence entre la spiritualité, puis le révélé, si on peut dire. En tout cas, l'affaire, c'est quoi de la programmation? C'est sûr qu'on ne peut pas s'en sortir de la programmation, mais c'est quoi être créatif? Pourquoi, moi, à un moment donné, c'est Charles Sabourin, il avait dit, puis la vibration était haute. Ça y arrive des fois, Charles Sabourin, il est vraiment dans un état, c'est plus Charles Sabourin, là. C'est plus que ça. Puis il avait dit, l'homme nouveau sera son propre programmateur. L'homme nouveau sera son propre programmateur. Puis on ne parle pas ici l'homme nouveau comme il était annoncé par le nouvel âge, là. Non, même on pourrait parler l'homme nouveau qui a été annoncé dans ça. Puis, mais là, ce problème, c'est que c'est des formes. Il y a des formes, puis il y a de l'histoire, il y a de la mémoire. Puis il y a des déformations, puis il y a des affaires que c'est annoncé, mais tant que c'est pas là. Donc, c'est quoi l'affaire? C'est quoi être créatif? C'est servir de la programmation. Se servir de la programmation. C'est ça l'affaire. L'homme nouveau sera son propre programmateur. C'est sûr qu'on ne peut pas se libérer de la programmation. Parce que, si on peut dire, tout est programme. Tout est un programme. Là, on s'en va, ça va être la Saint-Jean. Bientôt, ça va être la Saint-Jean. Pourquoi la Saint-Jean, c'est au solstice d'été? Pensez-vous que le Christ serait vraiment né un 25 décembre? En fait, là, sans vouloir, c'est pas une affaire de. C'est pas important dans le fond. Mais une affaire qui est assez intéressante, moi, que je considère intéressant. Si on le regarde comme il faut, qu'est-ce qui se passe au solstice d'hiver? La lumière, il y a la nuit très longue, puis là, la lumière commence à revenir, à grandir. Là, on s'en va, bientôt, ça va être la Saint-Jean, qui est associée à Saint-Jean-le-Baptiste, qui est la fête nationale des Québécois, accessoirement, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des raisons liées justement à de la programmation, mais là, c'est de la programmation collective. Le solstice d'été, là, c'est le jour le plus long. Puis après, la lumière décroît. Qu'est-ce qui est écrit dans. Il y en a qui vont m'haïr. C'est pas grave. Moi, j'aime bien gros le monde qui m'haïsse. Ah, si on s'en va dans. Jean 30. 3, Jean 3, 30. Puis là, c'est Jean le Baptiste. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Donc, on a la fête de Saint Jean le Baptiste, le jour le plus long. Puis après, la lumière décroît. Puis vous avez vers le solstice d'hiver, la fête associée au Christ, la nuit la plus longue. Puis après, le jour se remet à grandir. Puis après, il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Là, on en parle, la programmation. C'est quoi de la programmation? Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qui est vu et entendu. Vu, entendu aussi. Entendu, c'est quoi? Il y a de l'ondulatoire, du vibratoire dans l'idée d'entendre, mais vu, là, on peut parler de conscience. Donc, la conscience, ce n'est pas de la programmation de conscience. C'est quelque chose qui peut subir ou intégrer de la programmation, des lois systémiques, si on peut dire. Mais la conscience, c'est peut-être la seule partie qui est dans la programmation, mais qui n'est pas de la programmation. Parce que l'intelligence, on peut dire, ça, c'est de la programmation, si on peut dire. Mais de la conscience, pas de la programmation. Puis moi, quand Charles Sabourin, il avait dit, l'homme nouveau sera son propre programmateur. C'était tellement fort, puis ça m'avait frappé, puis c'est quoi être créatif? Le dernier audio que j'ai fait, il en est question un peu. Comme l'homme nouveau sera son propre programmateur, c'est-à-dire il ne va pas sortir la programmation au sens libre, la notion qu'on a psychologique de liberté, mais il va se servir de la programmation. Il va se servir de la programmation. Pourquoi il y a un contact avec un principe d'esprit? L'esprit, ce qui est au-dessus de tout, tu sais. Puis, regardez-les comme il faut, là, le calendrier. Puis, bon, le Saint-Jean, il annonce, là, lui, il va vous baptiser dans le feu. Tu sais, moi, il faut que je diminue, puis lui, il s'accroît, il grandit. C'est des symboles liés à la lumière solaire. C'est les symboles du solaire. Puis l'homme nouveau, le vrai, c'est l'homme solaire. L'homme solaire. Donc, toutes ces affaires-là, que c'est archétypique dans le fond, entre autres, puis, mais derrière la forme. Donc, même l'affaire de conscience, soit c'est de la conscience, soit il n'y a pas de conscience. La conscience, c'est de la conscience. Donc, l'affaire, la conscience supramentale, là, c'est être conscient qu'il y a de quoi au-delà du mental, puis qu'il y a possibilité de communiquer avec. C'est plus que de la spiritualité, ça. C'est plus que de la spiritualité. C'est pas comme répéter un rosaire comme un perroquet, là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un phénomène. Là, on tombe dans l'ordre la révélation, entre autres. C'est pour ça que. Mais il y en a, ils pensent qu'on peut atteindre ça par l'intellect puis le psychologie. Là, dans le fond, c'est une forme de. Ça devient du gnosticisme qui s'ignore. C'est pour ça que là, l'affaire apprendre le grec, le latin, l'araméen, l'hébreu, à un moment donné, c'est de la penser qu'on peut avoir un contact de même manière, là, bon, ça devient de la vanité. Ça en est de la vanité. Puis de l'orgueil tant qu'à moi. Non, non, c'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça. Soyez comme des petits-enfants, ça ne veut pas dire soyez naïfs, puis soyez niaiseux. Ça veut dire soyez réceptifs, puis c'est plus simple que ça. Puis on se complique la vie, hein, avec l'intellect, entre autres. Donc, l'affaire, c'est pas de se libérer de la programmation. Parce que ça, c'est pas possible. Je veux dire, c'est un programme. Si vous voulez, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, le systémique, le cybernétique universel, la création. Être créatif, c'est pas sortir de la création. Hein? Bon, faire un parallèle. Donc, c'est ça que je voulais dire. Puis, bon, là, ça va être la Saint-Jean, la fête nationale des Québécois. Depuis le 18e siècle, il y a eu l'invention du peuple, puis le nationalisme, nouvelle bébelle pour gouverner les foules, les téléguider. Parce que dans le temps, bon, il y en a qui se battaient pour l'Église, il y en a d'autres qui se battaient pour le roi, puis là, après qu'il n'y ait plus d'Église, plus de roi, il faut pas pourquoi, là. Fait que là, on a l'invention du peuple. C'est pas pour le peuple. Moi, j'aime mieux un peuple qui se bat pour conserver l'individu qu'un individu qui se bat pour le peuple, là. En tout cas. Mais, juste pour dire, il y a quelque chose de lié avec la symbolique de solaire. Ça, c'est pas intégré encore. C'est quoi de la créativité? On peut pas, on n'en sort pas, là. Être créatif, c'est pas sortir de la programmation. C'est servir de la programmation. Puis à un moment donné, bon, c'est un peu comme vous êtes sur une route, vous pouvez pas échapper aux lois de la route si vous voulez. Bon, au moins, vous pouvez chauffer votre véhicule puis aller où vous voulez vraiment. Là, je parle au sens d'une volonté, pas d'un désir. C'est ça être créatif, entre autres. Donc, l'homme nouveau sera son propre programmateur. Il va pas sortir de la créer, il va pas sortir de la programmation, mais il va en être sien. Puis, encore une fois, je le répète, c'est pas l'homme nouveau des théosophes, c'est pas l'homme nouveau des ésotéristes que je parle. Même, on se rapproche plus des affaires d'homme. C'est ironique, mais moi, c'est une Bible de Dominicain que j'ai. Ouais, elle est assez récente, là. Il y en a qui, bon, mais il s'arrête à la forme. Mais c'est tout le temps ce qui est au-delà de la forme. Au-delà de la forme. Puis là, j'ai quand même confiance. J'ai quand même confiance. L'important, c'est pas la survie nécessairement, tant que ça, du peuple québécois, autant que de l'esprit derrière les formes. Puis ouais, il y a une affaire de destin probable. C'est peut-être pas pour rien qu'on a Saint-Jean le Baptiste comme patron, puis Saint-Anne, puis ces gugus-là. Oui, c'est des gugus pour au niveau de la forme. Au niveau ce qui est au-delà de la forme, puis ce qu'il y a de la programmation collective, là, c'est autre chose. C'est bien autre chose. Je pense encore là, pour les fêtes nationales. La fête nationale va avoir. Il y a Michel Rivard là, qui va être là. C'est tout le temps les mêmes. Bon. Lui, il chantait quoi dans Je voudrais voir la mer? Il parlait des enfants qui veulent vivre sans tenir un drapeau. Vous vous souvenez, à un moment donné, j'avais dit à un moment donné, le drapeau sera pas correct. Puis la Saint-Jean qu'on avait eue cet été-là, là, mais il y avait eu une polémique parce qu'il n'y avait pas de drapeau du Québec. Ben oui, ils veulent la dénaturer, la Saint-Jean-Baptiste. C'est rendu le seul drapeau, ça continue, puis c'est le drapeau mondialiste quelque part, ça va être le drapeau arc-en-ciel. Hein? Donc, Michel Rivard, quand il parle d'enfants qui veulent vivre sans tenir un drapeau, c'est drôle, sur le drapeau arc-en-ciel, il n'y a pas un mot à dire. Comme si c'était pas politique, ça. Comme si c'était pas idéologique. Ben. Non, non. Je pense que ça va être une Saint-Jean de polémique. Encore. Parce qu'ils veulent la défaire. Mais c'est quoi qu'il y a en arrière des formes? La Saint-Jean, c'est une fête de la lumière. Comme Noël aussi. Puis ça, eux autres, ils aiment pas ça. Ce qu'on pourrait appeler entre guillemets l'ennemi. Ils n'aiment pas la lumière. Ils aiment la lumière, mais celle qui réfléchit. Hein? Celle de la statue de la liberté, et puis la liberté guidant le peuple, là, avec les saints à l'air. C'est eux autres, c'est cette lumière-là qui aiment. Il y a une différence entre la lumière réfléchie et la lumière. Parce que ce qui porte la lumière en est jamais la source. L'intellect réfléchit la lumière. On est dans le lunaire, on n'est pas dans le solaire, là. Donc, derrière ces formes-là, il y a des réalités. Donc, l'affaire, c'est pas de se libérer de la programmation, c'est d'être capable de s'en servir. Pour ça, il faut être scient de la mécanique, la systémique. Là, on va aller tout le temps un petit peu plus loin. Si ma programmation me prête vie, on va faire notre possible pour aller tout le temps un petit peu plus loin. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bonne Saint-Jean-Baptiste.